miss me, do you? Cool. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 474, c'est pour confiner, parce que bah, je suis encore là-dedans, toujours à la maison, vous aussi sans doute, mais ça va venir, on va se redéconfiner bientôt, j'espère. C'est le home recording numéro 16, à savoir donc le 16e enregistrement fait à la maison depuis le début des confinements, et au moment où vous ouvrez ce podcast, j'espère qu'on sera le 2 décembre 2020 à 20h et que vous serez donc sur le groupe La Saga des Fab Four de Facebook et qu'on commentera ensemble cette émission que vous aimez. Et parlez-en autour de vous, c'est tous les mercredis, alors en principe à la radio, sur RIG 90.7 et sur www.rigfm.fr. Et puis ben là, en ce moment, vous l'avez compris, je fais le podcast à la maison et vous l'ouvrez le mercredi à 20h. Ne trichez pas, si vous l'écoutez avant, ben vous pouvez faire comme vous voulez, hein, finalement. Bon, allez, pas d'album de la semaine. Je voulais faire l'album One des Beatles. Et puis finalement, je me suis dit, eh bien, tous les Beatles seront issus de l'album One. Donc, pas vraiment d'album de la semaine. On écoutera quand même She Loves You, Can't Buy Me Love, Eleanor Rigby, Paperback Writer, I Want to Hold Your Hand, Ticket to Ride et d'autres, bien évidemment. Pour McCartney, il y aura Every Night sur l'album McCartney en 1970. Lennon nous chantera I Found Out sur Plastic Ono Band en 70 aussi. Quant à George Harrison, et on en reparlera à ce moment-là, Apple Scruff sur l'album All Things Must Pass en 1970. Quant à Ringo, ce sera Step Lightly sur Ringo en 73. Voilà, pour le reste, eh bien, vous découvrirez ça au fur et à mesure de ces 2 heures et un tout petit poil de plus de rien du tout. C'est comme ça. Allez, à plus. But tonight I just wanna stay in and be with you. And be with you. Ça, c'est ce qui se passe quand on fait de la radio chez soi. D'abord, j'ai effleuré le bouton. C'est pour ça que la première chanson, She Loves You, est partie avant la fin du générique. Je suis passé à côté presque, mais j'ai dû tapoter légèrement mon ordinateur. Et donc, c'est comme ça. Quant à la deuxième, je voulais parler entre la première et la deuxième chanson et j'ai reçu un appel. Et j'ai reçu un appel auquel j'ai répondu. Et du coup, bon, on s'en fout, hein. On est à la maison et on est aussi chez vous. Et c'est la saga des Fab Four numéro 474C. I found out, maintenant, c'est John Lennon, en 1970, qui bénéficie de l'appui de Ringo Starr, qui cette année-là a quand même beaucoup bossé. Il a bossé pour l'album de John Lennon, l'album Plastico No Band. Il a bossé pour George Harrison, son album Things the Space. Et puis il a fait deux albums cette année-là, Ringo Starr, Sentimental Journey et Nashville, enfin Bookups of Blues, enregistré à Nashville. Et encore, je me demande s'il n'a pas travaillé pour d'autres personnes. Ça, c'est ce que je connais. Et bon, il n'avait que 30 ans d'un autre côté. À 30 ans, ça va. On peut bosser. Et puis, l'intérêt de cette chanson, c'est qu'il y a le rythme de batterie de Ringo Starr qui ressemble à un battement de cœur. Et c'est très, très intéressant. Voici I Found Out dans la saga des Fab Four. I told you before, stay away from my door. Don't give me that brother. The freaks on the phone won't leave me alone. So don't give me that brother. I found out. John était fier de sa partie de guitare aussi sur cette chanson-là. Nous allons passer à George Harrison, et George Harrison a une actualité en tout cas pour 2021. Il va ressortir pour les 50 ans de l'album All Things Must Pass, grâce à Danny et Olivia, sa mère, l'album All Things Must Pass en version déspectorisée. Alors il ne faut pas avoir de mal là-dessus, parce que c'est pas parce qu'on a des choses à reprocher à Phil Spector qu'on ne peut pas reconnaître qu'il avait du talent. Moi j'adore l'album All Things Must Pass, mais je vois cette version de All Things Must Pass déspectorisée comme une sorte de Let It Be Naked. Donc c'est la même chose, c'est All Things Must Pass Naked. Voilà. Et ils ont déjà sorti un single que j'ai acheté. C'est assez amusant parce qu'on voit la même pochette qu'en 1970, George Harrison dans son jardin, sauf qu'il tient un parapluie. Et All Things Must Pass en version déspectorisée, ça vaut le coup d'oreille quand même. Voici d'abord Apple Scruffs en 1970. Apple Scruffs, c'était ainsi qu'il parlait des fans qui étaient sous les fenêtres des Beatles et puis qui hurlaient « je veux te voir », etc. C'est des pelures d'Apple. C'est ça, les Apple Scruffs. En tout cas, c'est une belle chanson de George Harrison. La voici. Passers-by all stir, like you have no place to go. But there's so much they don't know about the apple scrubs. You've been stood around for years, see my smiles and touch my tears. How it's been a long, long time, and how you've been on my apple scrubs. Step lightly, you're moving too fast. Take your time, boy, soon the pain will pass. In the meantime, you gotta find yourself a love that's gonna last. Step lightly, things will work

just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Now buy me love. Love. Buy me love. En janvier 1964, les Beatles vinrent à Paris pour 18 jours de concert à l'Olympia. Ils étaient logés à l'hôtel George V et un piano à queue fut installé dans l'une de leurs suites pour qu'ils puissent continuer à composer. C'est là que John et Paul écrivirent « One and One is Two » pour Billy G. Kramer et que Paul composa « Can't Buy Me Love ». Leur nouveau 45 tours était attendu pour mars et ils venaient d'apprendre que « I Want to Hold Your Hand » était en tête des charts américains. Il n'y avait donc pas de temps à perdre. George Martin prit le premier avion pour Paris afin d'enregistrer Can't Buy Me Love dans les studios Pathé Marconi et il leur suggéra de commencer la chanson par le refrain. Bien que plusieurs autres titres anciens, She Loves You, I Wanna Be Your Man, Don't Bother Me, All My Loving, avaient été utilisés dans le film, Can't Buy Me Love fut la seule chanson qui ne soit pas un inédit à apparaître sur l'album. Parce qu'elle avait été intégrée au film que tardivement pour remplacer I'll Cry Instead qui, d'après Dick Lester, le réalisateur, ne correspondait pas à la scène en question. Il s'agissait effectivement du moment où les Beatles descendaient par l'escalier de secours à l'extérieur d'une salle de cinéma et faisaient les pitres sur un terrain de jeu. La scène a été tournée à Isleworth. C'était le premier instant de liberté accordé aux Beatles depuis le début du tournage, pour lequel ils étaient enfermés depuis des jours dans des voitures, des trains, des vestiaires ou des hôtels. Alan Owen, le scénariste, s'en souvient. Mes indications pour cette scène étaient simples. Les garçons descendent par l'escalier de secours. C'est la première fois qu'ils ont un peu de liberté. Ils courent en tous sens et se défoulent. Des journalistes américains demandèrent à Paul en 1966 si Can't Buy Me Love était une chanson sur la prostitution. Il leur répondit que toutes les chansons étaient sujettes à l'interprétation, mais que là, ils allaient un peu loin. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette chanson. When I was younger, thank you. De John Lennon, sorti en 1984 sur l'album Milk and Honey. J'aurais bien vu les chansons de John Lennon de l'album 1984, donc forcément post-mortem, mises sur l'album Double Fantasy, puisqu'elles font partie des mêmes sessions, évidemment. Et à ce moment-là, on aurait éjecté les chansons de qui vous savez, et on aurait appelé l'album au lieu Double Fantasy, Simple Fantasy, One Fantasy, quelque chose comme ça. Ça aurait été bien. Moi, je votais pour. C'était à Ringo qu'on s'était adressé. On avait dit « Mais ça sonne comme du Elvis ». Et Ringo avait répondu « Oui, oui, c'est du Elvis, oui, tout à fait ». Alors qu'en fait, non, c'est du Beatles. Je vous propose un cadeau. Écoutez bien. Well, I can find my way. I know my left from right. Because we never close. I'm open day and night. Way around, I walk towards the light. I'm open round the clock, I don't get lost at night. You never used to be afraid of days like these, but now you're overwhelmed by your anxieties. Let me help you out, let me be your guide. I can help you reach. left from right, because we never close, I'm open day and night. De l'album McCartney 3 qui va paraître le 18 décembre. On est absolument impatients ici à la saga des Fab Four. On va acheter l'album, évidemment, il est déjà précommandé. Mais on est impatients de l'entendre parce que vraiment, ça sonne comme du très très bon McCartney, comme les derniers albums qu'il a fait, comme les premiers, comme ceux du milieu. Bref, c'est du McCartney qu'on adore. Beaucoup plus cool en 1976, extrait de l'album 33 and One Third. Monsieur George Harrison rend hommage à Smokey Robinson avec cette chanson Pure Smokey dans la saga des Fab Four. Évidemment, certains diraient c'est pas beau de smoker. C'est pas beau de smoker. Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all alone. Il paraît que dans les années 80, on a découvert qu'une tombe marquée Eleanor Rigby existait tout près de l'endroit où Paul a rencontré John Lennon et les Quarrymen en 1957. Alors est-ce que Paul l'a vue sans y faire attention? Est-ce que c'est resté dans son subconscient? Et est-ce qu'au moment où il a découvert, où il a créé la chanson, ça lui est revenu comme ça? On ne sait pas. Toujours est-il que lui avait répondu à l'époque, on cherchait un nom qui sonnait bien, et Eleanor Rigby, ça sonnait bien. Allez savoir. À mon avis, oui, peut-être. J'en sais rien, je suis pas psy. Je vous propose deux Ringo Starr à la suite, juste pour vous prouver que Ringo Starr, c'est très très bien. Extrait d'un album qui n'est pas très bon. Oui, je commence bien. En 1976, l'album Rotogravure. Comme dans tous les albums post-Beatles, si un album n'est pas très très bon d'un des quatre, il y a toujours des perles dedans. Celle que je vais vous proposer, c'est une perle. You Don't Know Me At All, c'est bien. Et puis il y aura, extrait d'un très très bon album de Ringo Starr, Time Takes Time, en 1992, la chanson I Don't Believe You. Deux Ringo pour le prix de aucun, puisque c'est gratuit, sur RIG en théorie, 90.7 pour la fréquence et www.rigfm quand vous l'écoutez sur le net. Là, c'est en podcast, puisque nous sommes confinés, c'est le 16e enregistrement en podcast que je fais donc à la maison pour vous. Thank you.

change it if it were used to. Though everywhere your head is mine, I can see your shiny shoes. Don't play a Virgin Mary, well, I know you've been screwed. We're rock and roll people, balls and blues. Yeah, we're rock and roll people, I just couldn't change it if it were used. Pendant les sessions de l'album Rock and Roll en 1975, mais sorti en 1986 sur l'album Men Love Avenue, c'était Rock and Roll People, John Lennon, bien entendu. Je vous propose maintenant dans la saga deux Beatles à la suite, extrait de, si vous voulez, l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est One des Beatles, tous les numéros 1. Je crois qu'il y a une ou deux exceptions qui n'ont pas été numéro 1, mais qui restent de toute façon d'excellents titres. À la suite, voici The Long and Winding Road et Paperback Writer, maintenant. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy night that the washed away. Has left a pool of tears crying for the day. Why leave me standing here? Let me know. Thank you.

Les plus anciens ont peut-être connu dans leur jeunesse le slogan « la voix de son maître ». Là, c'est la voix de son père, Julian Lennon, à l'instant, dans la saga des Fab Four. Deux Beatles à venir, « I feel fine » et « I want to hold your hand ». Let's go. I wanna hold your hand. quelle voix au pluriel, I wanna hold your hand. À l'époque, dans ces chansons du début des Beatles, c'était beaucoup les harmonies vocales et vraiment, ça marchait très très très bien. Je vous emmène par deux fois avec George Harrison en 1973 et en 1981. Voici Try Some By Some, qui avait été repris notamment par David Bowie, et Teardrops dans la saga des Fab Four. Way back in time, someone said try some, I tried some, now buy some, I bought some, oh, oh, oh. After a while, when I tried them, denied them, I opened my eyes and I saw you. Ooh. How to think did I have? How to think did I see? Till I call on your love and your love came to me. sweet, but there's always much the same. Teardrops, I've had my shirt, my bucket's full of teardrops. So hard to take, I gotta soak in those teardrops. And it feels like I've taken over from the rain. In the eyes of the lonely one, everything is cold and hopeless that he looks upon. Of crying buckets full of teardrops, do-do-do-do-do. So hard to take, I took a soaking with those teardrops, do-do-do-do-do. And it feels like I dig a hole from the rain. Yeah. Dans cette superbe chanson de Paul McCartney en 1971, Lennon a pu croire que Paul McCartney s'adressait à lui. En fait, il s'adressait, Paul McCartney, à l'ancien mari de Linda, puisqu'il dit, j'espère que tu ne seras jamais ce que tu as manqué, mon garçon, cher garçon. Voilà, belle chanson en tout cas, tout en harmonie vocale et tout ça comme on aime. C'est l'une des spécialités de Paul McCartney. Il est très très fort là-dessus. 8 jours par semaine dans la saga des Fat Four. She's got a ticket to ride. du bon dans les chansons des Beatles, que du bon. En 1984, Paul McCartney se fait un petit plaisir. Il fait une musique pour enfants, pour un dessin animé. Enfin, qui pourrait faire un dessin animé. Il me semble que le clip, c'était un dessin animé. Je crois me rappeler de ça. We All Stand Together, featuring the Frog Chorus. Écoutez bien, c'est plutôt très très sympa. La saga. Bon. Allez, je ne vous le cache pas plus longtemps. Le jour où j'enregistre cette émission pour le 2 décembre, nous sommes le 29 novembre, donc le jour de l'anniversaire de la mort de George Harrison, qui est parti depuis 19 ans déjà. Eh bien, j'ai l'intention de vous faire un cadeau. C'est l'album qui va sortir en 2021. Je pense qu'il aurait dû sortir pour 2020 et puis il a été retardé. Ce sera le All Things in Space déspectorisé avec cette chanson qui est déjà sortie en single. All Things Must Pass, donc dépouillé du travail de Phil Spector, ça donne une sorte de Let It Be Naked, All Things Must Pass Naked, absolument fabuleux. Écoutez ces cadeaux. Cloudburst doesn't last all day. just don't know how to feel. En 1971, émergeant entre les bords des révolutionnaires de Power to the People et Sometime in New York City en 72, l'album Imagine représente une pause dans la carrière de porte-parole de la contre-culture. À chaque fois qu'il s'exprimait, il avait le don de paraître totalement convaincu. Pourtant, il était fortement enclin à des intervalles de doute. Et Howe décrit un tel instant. En dehors de son orchestration ouvragée, cette chanson aurait dû logiquement faire partie de l'album précédent, l'album Plastic Ono Band, avec ses thèmes qui ne nous sont pas inconnus. Absence d'un sens à la vie, peur de l'avenir et incapacité émotionnelle. C'est une très belle chanson, signée John Lennon. Yeah!

Ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas écouté cette chanson. C'est évidemment Paul McCartney, extrait de son album Egypt Station. Et c'est Hunt You Down, Naked et Sea Link. The Fabulous Four Saga, right here, on your radio with the Regale. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know. C'est la radio des Beatles. He just was spinning like the glitter ball above. Vous savez qu'en général, le Ringo marque la fin de l'émission, sauf quand on est à la radio et qu'on est en retard et qu'on laisse la place à Eric pour terminer juste pile 22h02. Là, je sais qu'on a débordé. Et puisqu'on est en confinement, on peut se permettre de mettre encore une petite dernière chanson. Et puisqu'on est au mois de décembre et puisque c'est presque Noël, le Papa Noël Thierry vous offre à nouveau la chanson qui est extraite du nouvel album de McCartney, McCartney 3, qui va paraître le 18 décembre, donc plus que 16 jours à attendre. Voici Find My Way. Well, I can find my way, I know my left and right, because we never close, I'm open day and night. My way around, I walk towards the light. I'm open round the clock, I don't get lost at night. You never used to be afraid of days like these, but now you're overwhelmed by your anxieties. Let me help you out, let me be your guide. I can help you reach the love you feel inside. I can find my way, I know my left from right, because we never close, I'm open day and night. Ooh, oh, oh yeah, oh yeah. towards the light. I'm open round the clock, I don't get lost at night. Savoir combien il m'a fallu d'écoute pour adorer ce titre, moins d'une. J'ai commencé à l'écouter et au milieu de la chanson, je me suis dit, mais c'est génial, j'adore. Find My Way, extrait de l'album McCartney 3 qui va sortir le 18 décembre. On est vraiment impatients, vraiment, vraiment, vraiment. Prudent, je vous dis à la semaine prochaine, ça c'est sûr. Est-ce qu'on sera en confiné ou pas? Je ne le sais pas vraiment encore. Donc tant qu'on n'a pas le feu vert de la radio, on reste à la maison. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu et que vous en parlerez autour de vous pour qu'on soit de plus en plus nombreux à écouter cette saga des Fab Four que j'anime depuis 1984. Et je suis toujours pas lassé. C'est du de mois de septembre au mois de juin. Chaque mercredi entre 20h et 22h, en théorie sur RIG 90.7 ou www.rigfm.fr. Là, pendant le confinement, c'est directement au podcast, mais j'espère que ça s'arrêtera un jour. Oui, j'espère. Allez, bonne semaine et à très bientôt. Salut.